Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Une nouvelle saison d'été au Théâtre du Peuple cette année. Ça va se passer du 3 juillet au 5 septembre. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Simon Delétang. Bonjour. Bonjour. On va découvrir bien sûr tout le programme. Présentez-vous déjà en quelques mots quel est votre rôle au sein du Théâtre du Peuple. Alors moi, mon rôle, c'est que je suis artiste-directeur. Donc je suis comédien et metteur en scène. Donc moi, j'ai été nommé pour mettre en œuvre un projet artistique et culturel au Théâtre du Peuple et sur les territoires environnants. Donc chaque année, je fais des spectacles, soit au siège dans la grande salle, soit en décentralisation dans les villages. Et actuellement, c'est vrai que le Théâtre du Peuple jouit toujours d'une grande notoriété, à la fois au niveau régional, mais aussi national. Et c'est vrai que l'arrêt de notre saison d'été l'an dernier a été un vrai coup dur. Donc on mise beaucoup sur cette nouvelle saison qu'on a ouverte, qu'on a fait plus longue, pour justement permettre à un maximum de spectatrices et de spectateurs de nous rejoindre pour profiter des deux créations qui auront lieu dans cette magnifique grande salle. Voilà, cette grande salle, pour la situer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Théâtre du Peuple, c'est dans un cadre assez unique. Tout à fait, donc c'est en lisière, on pourrait dire, de forêt, dans un village, au bout d'une vallée, à Bussan. Et c'est vrai que la singularité de ce théâtre, c'est que c'est un théâtre de plus de 800 places, donc c'est très gros comme théâtre. Et c'est un théâtre dont le fond de scène s'ouvre sur la forêt derrière, et c'est ça qui fait sa singularité et sa réputation, puisqu'on vient principalement pour voir ces portes s'ouvrir et essayer de voir comment les metteurs en scène s'en sont emparés. Une saison donc bien sûr un peu particulière, plus longue cette année. De quelle manière vous l'abordez après toute cette période si compliquée que tout le monde connaît ? Avec beaucoup d'espoir, en tout cas, on espère que les spectatrices et les spectateurs vont être au rendez-vous, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on se rend compte aussi, là, à travers les réouvertures de lieux culturels, que les gens ont aussi envie de profiter, de partir en vacances là où ils n'ont pas pu partir l'an dernier. Donc, on espère qu'on va réussir malgré tout à être présent. Et puis surtout, on espère qu'on va pouvoir maintenir un accueil du public qui soit un peu convivial malgré les contraintes qu'on a dans le service, notamment dans les à côté de la représentation. Mais on a tout fait pour que ça se passe au mieux. Donc notre espoir, c'est qu'on ait une magnifique saison qui redonne aussi un souffle à cette aventure qui ne s'était jamais arrêtée à part pendant la guerre. Deux grandes créations donc cette année. Parlez-nous un peu de ce qu'on va pouvoir voir sur scène. Eh bien, vous aurez donc au mois de juillet la tradition respectée avec une création qui réunit des amateurs et des professionnels. Donc vous avez au plateau un tiers de professionnels et deux tiers d'amateurs. Et pour la première fois, c'est une femme metteuse en scène, Anne-Laure Liégeois, qui va s'emparer de ce spectacle-là. Donc c'est Peer Gynt d'Henrik Ibsen, qui est une des pièces les plus connues du répertoire, on va dire, d'Europe du Nord. C'est un conte, c'est une vraie quête initiatique à travers les pays, à travers les âges, où on suit un jeune homme qui va devenir un homme, puis un vieil homme. Donc on est vraiment dans une tradition aussi du Théâtre du Peuple qui réfléchit sur la question des générations. Et ensuite, au mois d'août, c'est la création que je porte, moi, en mise en scène. C'est l'adaptation du roman de Nicolas Mathieu, « Leurs enfants après eux », qui a eu le prix Goncourt en 2018, et que je mets en scène avec 13 jeunes comédiennes et comédiens qui sortent de l'École nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre de Lyon et qui feront leur premier pas dans la vie professionnelle au Théâtre du Peuple cet été. C'est une création collective avec tout ce qu'il faut d'ingrédients pour tenir en haleine le public. Il y aura aussi un peu de musique cet été avec Ferguson, je crois. Tout à fait. Donc les Ferguson, on a créé une forme l'été dernier pour la réouverture qu'on va reprendre les week-ends. C'est notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et c'est un spectacle qu'on fait tous les trois. Je suis le narrateur, on va dire. Donc c'est un oratorio électro-rock sur ce texte de Stieg Dagerman qui est une invitation à réfléchir au libre arbitre dans nos vies. Et pour terminer l'été, on leur a proposé de venir faire un concert inédit acoustique à Bussan dans le décor du spectacle que je présente au mois d'août pour avoir un rapport singulier à ce théâtre encore une fois. Alors, bien sûr, on retrouve tout le programme sur votre site, www.theatredupeuple.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison, cette année ? Écoutez, vraiment, ce que vous pouvez nous souhaiter de mieux, c'est que le public soit au rendez-vous, parce que c'est vrai qu'on a tout donné pour essayer de maintenir ces créations malgré les difficultés économiques qu'on a eues, malgré les difficultés, les contraintes qui étaient liées à la situation sanitaire. Donc on a une équipe permanente qui a travaillé d'arrache-pied toute l'année, l'équipe administrative, maintenant l'équipe technique aussi, pour faire en sorte que cette saison d'été ait lieu. Donc ça a été beaucoup de sacrifices, donc c'est vrai qu'on espère vraiment que tous les spectatrices et spectateurs habituels vont venir aussi nous soutenir dans cette saison 2021. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette année. Merci beaucoup, Simon Delétan. Merci à vous.